Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, En apnée, un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Diffy Mariani. Au départ de ce documentaire, il y a cette semaine passée avec les cétacés et cette envie de pouvoir explorer le fond de la mer en apnée, quitte à devenir soi-même une sorte de poisson. Alors pour commencer, les personnages. Un plongeur qui tâtonne, une apnéiste qui creuse, un plongeur chercheur, un autre qui perd connaissance et un champion du monde. Ensuite, le décor. Une compétition, des records, la profondeur, des palmes ou pas, des bulles, des mécanismes, l'ivresse fatale, des zodiaques, des câbles, la sécurité et des spasmes. Aujourd'hui, on est au bord de la mer. Alors l'apnée, ça a commencé quand un jour je me suis amusé avec un copain à tenter de tenir ma respiration le plus longtemps possible. Il avait fait 2 minutes 09, je me rappelle encore précisément. Moi j'avais fait dans les 1:20, 1:30 et du coup je suis rentré à la maison et j'ai commencé comme ça, tout seul dans mon coin avec ma montre à essayer d'atteindre d'abord les 2 minutes 09 et puis finalement j'y suis arrivé et je me suis pris au jeu. Et c'est comme ça, à tâtons, que je me suis pris vraiment pour cette espèce de découverte, d'exploration de mon corps, exploration des limites. Et je me rappelle cette espèce de sentiment que j'ai pu ressentir quand un jour, en partant de la plage, en nageant vers le large, j'ai essayé pour la première fois de plonger et c'était que du bleu dessous. Dans le bleu de la mer, ils descendent. À la nage avec des palmes ou à la seule force de leurs bras et de leurs jambes, à 40 mètres, 60, 80 et jusque 115 mètres pour les meilleurs plongeurs français qui retiennent leur souffle plusieurs minutes durant. Voilà, après, qui me manque ? Béatrice Boson, Benjamin Mas. Eric Maquet, Dave King, Fred César. Après. Jean-Luc Rajon. Non. J'ai besoin donc discipline et performance. Poids constant. Avec palme. Ouais. 56. Brasse. Ok. Jérôme Vigoureux. Je crois pas là. Jonathan Erhardt. Morgan Bourkis. Constance en palme, 65. Cette année, c'est à Marseille que se déroule la compétition nationale de plongée en apnée, au large de la calanque de Sormio. Jonathan, il fait quoi ? C'est là, jusqu'à 80 mètres de profondeur, que les 20 apnéistes inscrits vont descendre dans l'eau les uns après les autres. Parmi eux, il y a Guillaume Néry, Aurore Assaut et Florent Pascal, qui détiennent chacun un record de France de plongée en apnée. En palme. 35. Ok. Est-ce que tous les présents ont donné une annonce ? Pour demain. Ok. Donc dans 15 secondes, il va être 18h57. 10. En 9, apnée. 8. Un documentaire 7, d'Élise Andrieux et 6, d'Ify Mariani. 5, 4, 3, 2, 1. Top. 18h57. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Magnifique. Pour Anne et Elisa, qui ont été tout le temps sur l'eau. Elisa, en tant que juge. Et ce matin, tout le temps dans l'eau aussi. Anne, finalement, heureusement, n'a rien fait, effectivement. Mais c'est une bonne chose, parce qu'elle est venue en tant que est-ce que vous faites ça, vous, Florent? Pourquoi vous plongez? Parce que c'est tout près de chez moi, la mer, et que c'est une activité qui a toujours été un petit peu dans ma vie. Alors d'abord de façon ludique, j'ai commencé à prendre plaisir à aller chercher un caillou de plus en plus profond dans la mer. Quand on commence, on est content de pouvoir aller voir une étoile de mer qui est à simplement quelques mètres. Et c'est d'abord ce plaisir d'être dans l'élément liquide, de supprimer aussi le son, de supprimer les bruits de la ville, les bruits de la vie en général, et simplement d'être dans un peu dans cet état d'apesanteur et de profiter, même quasiment à la surface finalement, de ce que l'apnée permet. Avec le regard un peu plus expérimenté que j'ai aujourd'hui, je saurais peut-être davantage dire pourquoi je plonge aujourd'hui que pourquoi j'ai commencé alors. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu pour plonger en moi. Voilà. Je plonge parce que ce qui me plaît, c'est d'être extrait du monde et de pouvoir être totalement concentré sur moi et être présent dans l'instant présent. Ce qui est important avant de se mettre à l'eau, c'est de commencer à construire la confiance. Donc l'une des premières choses que je fais en me mettant à l'eau, c'est de prendre des amers. Ce qu'on appelle des amers, ce sont des repères connus des marins, où en fait on regarde autour de soi pour aligner trois points par le paysage qui est autour de nous. Je vais commencer par me mettre sur le bord du bateau. Peut-être avant ça, j'aurais rassemblé mon matériel, mis ma ceinture, parfois mes plombs de cheville. J'aurais mis mon masque sur les yeux. Et on va commencer à essayer de prendre ce premier contact avec soi, qui consiste à savoir... est-ce que je suis bien aujourd'hui? Est-ce que je suis en état de plonger? Donc je me concentre déjà sur le bord du bateau pour ralentir ma respiration et ralentir mon rythme cardiaque. Les sons à ce moment-là sont encore assez présents parce qu'on est en phase préparatoire. Donc les camarades sur le bateau sont parfois encore en train de s'habiller, sont parfois en train de positionner les câbles. Donc il y a des bruits métalliques, il y a le bruit de la poulie sur laquelle roule la corde, qu'on ajuste à la profondeur qui est la profondeur annoncée. On entend éventuellement un bateau passer au loin, le fanion... qui indique qu'on est sur une zone de plongée qui flotte aussi au vent. Il y a le bruit du clapot des vagues qui tape sur le bateau. Et il y a ma respiration qui devient finalement de plus en plus présente. Et à la fin, avant de plonger, finalement, il n'y a plus que sa respiration et les bruits ont tendance à s'évanouir. Dans l'eau, je ressens un bien-être immédiat. La sensation de flotter, la sensation de quasiment voler. Je m'appelle Aurore, je suis une apnéiste française et je m'intéresse depuis très longtemps à l'apnée. Ça fait une quinzaine d'années que je plonge. Et là, depuis ces deux dernières années, je me suis vraiment concentrée sur la plongée en apnée profonde pour les disciplines de poids constant, une discipline qui nécessite une monopalme pour aller au plus profond. L'immersion libre, on est pieds nus dans l'eau et on se hale avec les bras sur une corde pour aller aussi au plus profond. Et il y a aussi une autre discipline qui m'intéresse particulièrement, pour laquelle j'aimerais progresser. C'est le poids constant sans palme, qui en fait consiste à descendre à la brasse, au plus profond. C'est la discipline la plus pure, la plus simple, parce qu'il y a juste l'homme et l'océan. Donc voilà, c'est ces trois disciplines qui m'intéressent en apnée et pour lesquelles j'ai envie de progresser encore et encore. Vous descendez à quelle profondeur dans la mer ? L'année dernière, j'ai fait en fait trois records de France. En apnée en poids constant, je suis descendue à 70 mètres, puis à 72 mètres. Et en immersion libre, je suis allée à 70 mètres. Ça, ce sont des compétitions, des performances officielles, etc. Et sinon, à l'entraînement, je suis déjà allée à 78 mètres et j'aimerais atteindre le mur des 80 mètres. Et je pense que j'ai beaucoup évolué dans ma façon de plonger. Et dans les premières années où je plongeais, j'avais parfois une sensation de peur dans l'eau. Je sais pas, parfois même la sensation d'être observée. Je pense que j'avais peur de la solitude, en fait. C'était quelque chose d'assez fort et parfois qui me faisait tourner et m'empêcher d'aller au fond. Et j'ai eu la chance de plonger plusieurs fois dans le lac Léman à Genève, qui est un lac très froid et très très noir. Et pour pouvoir descendre à 30, 40 mètres, voire plus, dans ce lac noir et froid, il fallait avoir une force mentale pour le faire. Et après cette année où j'ai plongé dans le lac Léman, quand je suis revenue en mer, j'avais plus du tout peur, je me sentais vraiment bien. Et avec même une sensation de paix et de sérénité. Il était au vent, là. Simon, ouais. Damien, vous êtes trop nombreux sur un câble. Là, je vais en voir que deux, tous les autres de l'autre côté. Je vais pas essayer. Hein. Deux, trois, le six par là-bas. Voilà. Et Damien, essaie de te relâcher, là t'es carrément crispé. Philippe. Voilà. Philippe. Donc 10-4 mètres, ça pousse. Ok. On part dans 5 minutes. Ok. Viens après la mise à l'eau. La mise à l'eau, qui est le premier contact avec... avec l'élément aquatique, et là on essaie de faire une mise à l'eau qui soit la plus douce possible. Je connais un apnéiste qui plonge toujours avec un couteau sur l'avant-bras, et j'avoue que c'est une démarche que je comprends absolument pas, ça me choque toujours. C'est une crainte d'éventuels filets qu'il rencontrerait au fond, mais ce que j'arrive pas à accepter, ce qui n'est pas ma démarche, c'est que finalement on va dans la mer désarmé. Voilà. C'est un acte de paix, si je puis dire, sans faire trop de symboles non plus. Mais cette entrée dans l'eau, c'est un peu ça aussi. 3 minutes. On va pas rentrer en sautant, en poussant des grands cris, comme des enfants, dans l'eau, ne serait-ce que parce que l'eau est froide et que si on rentre en faisant une bombe, toute l'eau va rentrer dans la combinaison et qu'on va être glacé. Donc on le fait pour soi et on le fait aussi pour le calme de l'environnement dans lequel on va se trouver. Pour s'habituer à la température de l'eau, qui est toujours différente de la température de l'air, l'hiver elle est plus chaude, finalement ça fait du bien de rentrer dans l'eau, mais l'été c'est le contraire, on remplit sa cagoule d'eau, aussi parce que les combinaisons que nous portons permettent de conserver une fine couche d'eau entre le corps et la combinaison, qui est réchauffée assez rapidement, et qui, dans la mesure où elle ne circule pas, finalement nous protège du froid extérieur. Donc on va remplir sa cagoule d'eau, et dès qu'on aura fait ça, on va se retrouver dans une sorte de nuage ou de coton dans lequel les sons sont forcément déformés. 2 minutes. Départ dans 2 minutes. Certains apnéistes, je le fais aussi, vont passer les dernières minutes avant de plonger à respirer au tuba et à regarder le bleu. Donc on rentre de plus en plus dans cet univers où on se fait un petit peu balloter par les vagues quand il y en a. On se prépare à plonger, donc on va attacher le mousqueton de sa longe à la corde. La longe est reliée à la cheville ou au poignet, voire à la taille de l'apnéiste. Et elle lui servira de lien avec la corde le long de laquelle nous plongeons. On respire de façon ample, comme ça fait quelques minutes qu'on est dans cette respiration-là, respiration qui vient du diaphragme, du bas-ventre, respiration qui est de plus en plus pleine. Elle calme, elle apaise. Il y a un moment où, après avoir exercé cette respiration pendant un moment, il se passe comme un déclic. Dans la tête, on se dit, c'est bon, je suis prêt, je peux y aller. Je vais commencer ma respiration, la dernière, qui durera au moins 20 ou 30 secondes, par une expiration la plus poussée possible. Je vais souffler, et souffler depuis le diaphragme, de sorte que je vais sentir mon ventre se rentrer et se creuser. Et j'entame une ventilation, une respiration, une inspiration pour être plus précis. Le ventre qui s'est donc creusé va s'arrondir. Et une fois que je suis finalement en bout d'effort d'inspiration diaphragmatique, je vais relâcher le ventre pour gonfler la cage thoracique, me remplir au maximum d'air. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lorsque le corps descend, il doit lutter pour se fondre dans la mer qui devient froide et sombre. Tous les 10 mètres, la pression de l'eau pèse un peu plus et lorsque le corps se trouve à 100 mètres de profondeur, ce sont 11 kg par centimètre carré de peau que l'organisme doit supporter. Pour éviter que cette pression ne vienne écraser les tympans, le plongeur doit compenser tout au long de sa descente la différence de pression entre l'extérieur et son oreille moyenne en y insufflant un peu d'air. Plus la pression est forte, plus l'air se comprime dans les poumons et plus il devient difficile de compenser cette différence. On ne sait pas encore jusqu'à quelle profondeur le corps humain peut descendre en apnée. Peut-être que les plongeurs permettront de faire découvrir de nouvelles ressources inscrites dans notre organisme lorsqu'il s'adapte au monde sous-marin. Frédéric Lemaître, plongeur et enseignant-chercheur spécialisé en physiologie de l'apnée, nous décrit ces mécanismes que le corps déclenche dès qu'il s'immerge sous l'eau. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui se passent. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme réflexe qu'on a tous en fait, mais qui est très accentué chez les gens qui sont très entraînés. C'est un mécanisme qu'on appelle le diving réflexe ou réflexe de plongée. Donc le diving réflexe, ça comprend deux mécanismes, principalement ce qu'on appelle la bradycardie, c'est-à-dire une baisse de la fréquence cardiaque, et une vasoconstriction périphérique. Alors ça veut dire qu'en fait le sang est chassé des extrémités, des membres, des bras et des jambes, et il est redirigé principalement vers les organes qui ont le plus besoin d'oxygène, comme le cœur et le cerveau. Il est redirigé toujours vers le cœur et le cerveau, mais aussi autour des poumons, et ça permet en fait aux poumons de se rigidifier en quelque sorte, parce qu'il y a du sang autour de ces poumons, et le sang c'est un liquide, donc c'est incompressible. Donc ça permet à l'organisme, à l'être humain, de descendre plus bas qu'un certain volume qu'on appelle le volume résiduel. Parce qu'à l'époque, quand Enzo Maiorca voulait descendre au-delà de 50 mètres, le premier médecin qui l'a ausculté lui a dit « à 50 mètres, tes poumons vont s'écraser ». Donc Enzo Maiorca est descendu à 50 mètres, après 51, 55, etc. Et puis maintenant, on en est à 214 mètres. Donc à l'époque, on ne connaissait pas du tout ce mécanisme et on suppose que ce mécanisme, c'est celui-là qui protège l'apnéiste en profondeur. Enzo Maiorca ? Enzo Maiorca, c'est le Enzo du Grand Bleu, ouais, c'est celui-là. Mais il a existé, Enzo, il existe encore, il est vivant. Donc je descends, au bout de trois mouvements, la flottabilité aura grandement réduit, l'effort physique va aussi se réduire. À partir du quatrième ou cinquième mouvement, je vais commencer à tenter de prendre un petit peu de vitesse. Je suis sans masque, avec un pince-nez. Et je vais gonfler mes joues très vite d'ailleurs. Je vais gonfler mes joues parce que on a besoin de cette réserve d'air quand on va avoir du mal à compenser après en profondeur. Je pars donc les yeux fermés. Plus je fais de mouvements et plus je vais sentir la vitesse s'installer. Généralement, la fréquence cardiaque avant l'apnée, elle est aux alentours de 80 à 100 parce que l'apnéiste hyperventile un petit peu. Et puis après, ça va descendre et se stabiliser à 20-25. Entre 20 et 25 battements par minute pour les meilleurs apnéistes. Et je sens que l'eau s'écoule de plus en plus vite. Elle s'écoule sur mes pieds, elle s'écoule sur mon visage. Parfois encore à ce stade-là, parce qu'on n'est pas bien rentré, on est encore attentif au bruit du mousqueton qui frotte le long de la corde que l'on suit. Et parfois ça frotte encore à ce moment-là. Et inconsciemment, notre cerveau essaye de se caler sous l'eau sur ce rythme cardiaque. Or, comme le rythme cardiaque diminue, la personne se trompe en quelque sorte sur cette estimation du temps parce qu'il essaye de compter inconsciemment le temps qui passe à partir de son rythme cardiaque. Et puis à un certain moment, en fait, progressivement, ses poumons s'écrasent, donc le volume diminue, la poussée d'Archimède est plus faible et il va couler. C'est exactement comme une chute libre, jusqu'au fond. Les derniers mouvements servent véritablement là à donner le coup d'envoi de la chute libre qui est ce pourquoi on plonge. C'est cette sensation d'apesanteur où on est hors du temps, c'est doux. On avance tout seul, on ne fait plus d'efforts, et c'est facile. Voilà. Passer les 50 mètres de profondeur, va débuter cette phase un peu d'osmose, qui est due au fait que la vitesse s'accélère, au fait qu'on a plus ou moins réglé le problème de sa compensation si on arrive à garder ses joues remplies d'air parce qu'on arrive à compenser à intervalles réguliers. Et c'est probablement par l'effet de ce qu'on appelle la narcose, une ivresse des profondeurs due à un des gaz qui est dans l'air qu'on respire. Eh bien, on se sent parfois un peu comme si on ne touchait plus tout à fait les parois de son corps. C'est comme si l'eau nous pénétrait en quelque sorte. Et on n'a pas du tout envie de respirer. Et on est bien. Voilà. On est suspendu. Ça défile. Et il va arriver un moment, ça peut être 60, 70, 80 mètres, ou plus pour certains, où on va percuter le plomb, en quelque sorte. Je dis percuter parce que les apnées réussies, c'est le sentiment qu'on a. On n'attend pas le plomb. L'apnée, c'est une discipline où, finalement, pour atteindre son objectif, il faut l'oublier. C'est comme ça. Quand on tend en permanence vers une profondeur qu'on veut atteindre, on va se mettre à regarder le plomb, on va regarder vers le bas. Du coup, on va cambrer son corps et on sera plus assez souple, assez détendu pour atteindre cet objectif qu'on veut. Il faut l'oublier. Et l'apnée réussit quand le plomb nous réveille. Le moment où on arrive au fond, c'est souvent une surprise. Avec un regard d'humain, c'est une zone où il ne faut pas être, une zone où il ne faut pas rester. Malgré tout, le temps très court que l'on va passer au fond... Un moment où on pense à rien... Est finalement assez agréable. Le temps est suspendu. Sombre. On perçoit tout légèrement. Harmonie. On est ailleurs. Infini. On pourrait dire que ce sont des instants d'éternité un peu. On peut regarder partout autour et ne voir aucune limite. Lorsque l'on plonge en apnée, on a une quête, une recherche qui est d'être un corps qui va au fond de l'eau et qui se mêle à l'eau, en fait. Et on devient l'eau, hein, un peu. On est en moment de, voilà, d'extase. On ne maîtrise plus rien. Nos pensées partent un peu toutes seules là où elles veulent aller. Heureux à ce moment-là, un peu triste à un autre moment. Cet état où on essaye de penser de moins en moins et de ressentir de plus en plus. L'ivresse des profondeurs, ouais. Donc on est vraiment dans un moment de veille, en fait. Un moment de veille et de non-pensée. Si on est très attentif lorsque l'on plonge et si on est très souvent dans l'eau, on peut ressentir, et pas seulement le penser, on peut aussi ressentir nos origines marines. Notre corps est fait à 90% d'eau. La vie vient de la mer, vient d'abord des algues, ensuite il y a eu des animaux qui sont venus sur Terre, puis des mammifères, puis ensuite il y a des mammifères qui sont retournés dans l'eau. En tout cas, tout vient de l'eau. Et je pense que notre corps se souvient de choses que nous n'avons pas forcément à l'esprit. Je pense que cette sensation de flotter, de ne pas avoir le poids de la gravité qu'on a tous les jours quand on marche, quand on doit porter des choses, la gravité, voilà, en un mot, la gravité. Tout ça, on a oublié cette sensation très très simple de flotter et d'être en apesanteur. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'eau, en fait, tout simplement. Elle arrive au plomb. Virage. Tout d'un coup, on s'arrache de la surface et on part dans l'eau. Et là, on laisse à la surface les gens. On laisse nos proches, on laisse nos amis, mais on laisse aussi tous les humains, quoi. On part tout seul en voyage dans l'eau. Et tout d'un coup, on est complètement immergé dans l'eau, mais aussi dans un espace intime, puisqu'il n'y a pas d'autres distractions. Il y a juste soi et l'eau. Ok, je vous approche. En vue. Pour l'arrivée, c'est là-bas. En vue. La voix. I am OK. Bravo. Avec le sourire. Et avec la plaquette. Et avec la plaquette en plus. On attend. C'est bon pour moi. On est en pause. Prochain top. C'est Philippe à 11h30. Dans 21 minutes. À ce qu'il y ait un coup d'est sur vers 11h. Finalement, en fait, on l'a pas eu. C'était calme plat. Il y a une mer d'huile. Il y avait des thons. Vous voyez les thons qui sautaient autour de nous. Tout ça, c'est sympa. La visibilité. Et la visi. Écoute, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, c'est assez sombre sous l'eau. Mais on voyait quand même facilement au-delà de 15 mètres. Quand il y avait du soleil, ça descendait au-delà de 20. Voilà. Et au fond, du courant ou pas? Il n'y a pas le moindre courant. Donc, ça, voilà, c'est nickel pour les perfs aujourd'hui. Il y a tout le monde qui a, il y a tout le monde qui a validé quelque chose de bien. Stéphane Touron. Et Stéphane, écoute, Stéphane, il est sorti, il était en limite. On lui a laissé le temps en surface pour faire son protocole. Il n'a pas complété dans les temps et il a fait une perte de connaissance, mais un centième de seconde, juste le temps de détendre, tac, et de récupérer. Voilà, et du coup, il ne sait pas que les juges l'ont tenu ou quoi que ce soit. Ah, je lui avais conseillé de ne pas prendre la plaquette, c'était pas obligé, il pouvait tourner 2 mètres avant et s'il se sentait en retard sur le... Combien de temps peux-tu plonger? J'ai commencé lundi le caisson, là. Mais j'ai aucune amélioration, ça semble pire. C'est dommage parce que je m'y attendais pas du tout en fait. C'est la première fois que je fais un ADD en apnée alors. T'as fait une espèce d'ADD, non? C'est un ADD, exactement. Ouais, accident de décompression, j'ai une bulle coincée quelque part. Hein. Donc, privé de plongée, caisson hyper bas. Et... Vous n'avez pas pu participer à la compétition? Alors, en fait, il y a 3 semaines, j'ai décidé d'augmenter le pas, de forcir les entraînements, de m'engager physiquement un peu plus. C'était 3 dernières semaines pour ne pas être ridicule avec les jeunes, parce que je suis bien conscient que les jeunes sont de plus en plus forts. Donc, en augmentant les entraînements, j'avais oublié qu'un matin, il faisait beau, top condition, je suis allé chasser avec un fusil et tout pour attraper les poissons. Et donc, j'ai chassé pendant 4 heures. L'après-midi, bon, évidemment, à l'issue de 4 heures, on est fatigué et surtout, on a faim. J'ai ouvert le frigo et j'ai tout mangé. 4 heures plus tard, j'ai rejoint les membres du Massilia Club pour faire une séance d'apnée. Et là, on a discuté avec le physiologiste, il apparaîtrait que j'ai dépassé les bornes. C'est-à-dire que je me suis fait un programme très léger de plongée pas profonde, pas au-delà de 40 mètres, mais je les ai multipliés par 8. Donc j'ai fait 8 descentes à 40 mètres, avec une combinaison très épaisse de chasse sous-marine. J'étais sous lesté, c'est-à-dire que je fournissais un effort excessif à la descente, pour être cool, en toute sécurité à la remontée, mais cet effort, je l'ai payé. En sortant de la séance, j'étais affecté par des bourdonnements. Et jusqu'à avoir, dimanche soir, j'ai une sophose, c'est-à-dire une hypoacousie bilatérale. J'entends plus rien. Sourd comme un pot. Vous vous appelez comment? Jean-Michel. Jean-Michel Pradon. Et vous avez quel âge? 52 ans. Ça fait longtemps que vous plongez en apnée alors? On va dire 35 ans. Plus de 35 ans, 37 ans exactement. Donc il n'y a plus rien qui vous fait peur? Si, bien au contraire. Moi, je pense qu'on a plusieurs attitudes parmi les apnéistes. Hein. Moi, je pense que je suis un apnéiste frileux. C'est-à-dire, je ne m'engage pas, je ne me fais jamais peur en apnée. Enfin, il m'arrive de me faire peur, mais je ne vais jamais au bout. En fait, j'aime plonger avec de la marge. La seule peur que j'ai, c'est de disparaître, d'être perdu en mer. Donc évidemment, on fait tout pour ne pas l'être, c'est-à-dire même un entraînement simple, je reste attaché en permanence, je suis en contact avec le câble. Mais malgré que je sois en contact avec le câble, j'ai toujours peur que la potence du bateau se rompe, On fait pas le ménage quand on descend au fond, en ces profondeurs-là, on voit rien. Hein. Il m'est déjà arrivé d'arriver sur 80 mètres et de voir un filet. Bon, c'est assez surprenant. Et s'il n'est pas signalé en surface, il faut savoir que les filets, ils font 10 km de long. Un filet ? Un filet de pêche. Donc voilà. Pour moi, la disparition, c'est forcément dans l'obscurité. C'est ce qui m'arrête quand je plonge. Forcément, si la plongée est ratée, pour moi, bah, je sens une angoisse. Une angoisse. Je dirais même c'est un flip démesuré. D'autant que si jamais on a des couches d'eau qui sont grisâtres, marrons et tout au fond, c'est plus du tout le grand bleu. C'est ce que je ressens. Du noir, ouais. Mais vous en connaissez qui ont disparu ? La première disparition en baie de Nice, c'était Cyril Izoardi. C'était en 94. Ça m'a marqué. J'étais là. Je savais qu'il était performant. Il était en train de battre un record du monde. Il souhaitait battre Umberto Pellizzari à l'époque. Et il était plus fort à l'entraînement. Et il s'est perdu en baie de Nice. On l'a jamais retrouvé. C'était sur le tombant des Américains. Il était sur une plongée programmée à environ 110 mètres, en gueuse. Et donc voilà, on l'a pas retrouvé. On a mis des semaines, on a attendu, ni dérive, ni quoi que ce soit, on n'a jamais retrouvé son corps. Perdu dans le noir. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top officiel. Philippe Taglioferri, 55 mètres, poids constant. Il a passé la moitié. Il descend, il ralentit un peu, il se laisse couler. Il passe les 50. Il est au plomb. Virage. 10 secondes pour le numéro 1. Numéro 1, parti. 5 secondes pour numéro 2. Numéro 2, c'est parti. Il est allé au plomb. En visu. Il est en visu, il remonte très régulier, rapide. Accroche-toi. Souffle, souffle bien quoi. Allez, souffle, tiens le temps. Ayab, ok. Ne mets pas la bouche dans l'eau, reste accroché. Souffle encore, t'arrête pas. Mais il est frais comme il est rose comme un bébé. Il est rose comme un bébé. Merci, bravo, monsieur le juge. Bravo. Bien. Bah, tous les autres, ouais. T'as combien à la montre ? Combien à la montre ? C'est battu une. Ça passe pas. Faut pas rester 15 secondes au fond. Quoi ? Tu prends des risques à rester trop longtemps au fond. Correct, c'est pas passé. Bravo, Paul. Bravo. Quel est le prochain plongeur qui va passer ? Eh bien, nous avons aujourd'hui comme compétiteur là, bientôt Guillaume Néry qui va venir plonger, qui va faire une plongée à 80 mètres, ce qui pour lui est loin du maximum qu'il peut réaliser. Il a eu 4 records mondiaux. Il n'est plus détenteur du record mondial actuel, mais sa meilleure performance est à 115 mètres, qui est le record de France. Et son dernier record du monde était à 113 mètres. Donc on va voir comment sa plongée va se passer. Tout à l'heure, je vais aller plonger pour tenter d'aller à 80 mètres de fond. Une plongée comme ça se prépare dès le matin, dès le réveil. Et je m'enferme pas complètement dans ma bulle, jamais. Par contre, au fond de moi, il y a comme une espèce de filtre. Je me force à être lent. Et j'ai 28 ans, j'habite à Nice. J'ai grandi à Nice et j'ai battu à 4 reprises le record du monde de plongée en profondeur à poids constant, c'est-à-dire descente et remontée à la seule force musculaire. Depuis tout jeune, sans trop comprendre pourquoi, j'ai toujours eu cette envie d'aller découvrir. J'ai rêvé d'être astrophysicien ou astronaute. J'étais aussi fasciné par l'espace, par les étoiles, par les planètes. Il y a tout un univers là, dans ce monde noir, dans cet espace qui a l'air complètement sans limite. Et je me posais déjà des questions en me disant, mais il y a quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça s'arrête où? Et donc c'est vrai que quand je suis dans l'eau et que... Je me sens appartenir à l'infini. C'est des moments où on prend vraiment conscience de notre appartenance à cette espèce de grand tout. On a cette sensation à un moment donné de ne plus être rien, mais en même temps d'être dans ce rien. Ne plus être arrivé à vraiment me détacher de ma conscience, de mon corps, de ma matière, et à me dire, mais alors finalement tout appartient à tout. Tout appartient à tout et rien ne m'appartient. Voilà, rien ne m'appartient. Quand j'étais dans les 80 mètres, 87 mètres, mon premier record du monde, je me disais, ouais, un jour j'irai à 100 mètres. Je voyais ça comme une espèce de barrière, de limite. Et puis finalement, je suis arrivé beaucoup plus vite que prévu. Maintenant, je suis à 115 mètres et j'ai eu la sensation à 115 mètres qu'il y avait encore de la place. Et je vois pas de raison pour laquelle l'être humain ne pourrait pas être capable d'aller toujours à un mètre de plus. Alors moi, un jour, j'aurai ma propre limite, ça c'est certain. Et j'entame la remontée. Beaucoup disent que la remontée, c'est la deuxième phase difficile de l'apnée, après le fait de s'être arraché de la surface, parce que là, il va falloir s'arracher du fond, on est très lourd, on était tout détendu avant, et au moment où on entame la remontée, il faut produire un effort physique, qui est un effort physique important. Je sais que si je suis à 70 mètres, il me faudra entre 35 et 38 mouvements pour être à nouveau à la surface. Et je commence à compter. Avec faire de l'apnée, parfois, c'est beaucoup compter, parce qu'on compte ses mouvements, on compte le temps, on mesure les mètres, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, mesurer les mètres, mais on compte parce que cette mesure-là finalement nous rassure. Et je vais compter 10, 20. Je divise en principe les remontées par paquet de 20, si je puis dire. Et je vais faire mes mouvements. Et après 20 mouvements, je sais que j'ai à peu près remonté 40 mètres. Et je repars à zéro sur mes mouvements. Et je recompte. Et j'attends finalement assez tranquillement la rencontre avec mes apnéistes de sécurité. Très souvent avant que je les rencontre, il y a deux choses qui refont à nouveau surface au niveau des sensations. C'est la chaleur. Quand on est parti, qu'il faisait 15 à la surface et qu'on est au fond à 13 degrés, parfois 12, et qu'on remonte à la surface, ce degré ou ces 2 degrés en plus qu'on regagne, ils sont très sensibles. Ça nous donne une indication finalement assez précise de l'endroit où on se trouve et du fait qu'on est sur le chemin du retour. La deuxième chose, c'est le bruit des bulles. Je ne saurais pas expliquer véritablement d'où viennent ces bulles. Souvent, je me suis posé la question. Parce qu'a priori, les bulles s'échappent pendant le début de la descente. Mais je sais que quand je rejoins la zone des 20 mètres, il y aura ce bruit. Ce bruit qui finalement est un bruit un peu de surface pour moi, un bruit chaud. Et la troisième chose, c'est de la couleur qui change. C'est plus clair, parfois c'est plus terne aussi, plus jaune, mais c'est plus clair. Je rencontre mon apnéiste de sécurité, j'ouvre les yeux, je lui fais un signe de la tête, parce que lui a eu un signe pour moi, d'abord il est venu, et puis il m'a fait un bruit de gorge, un bruit qui fait à peu près... Dans cette dernière phase-là, on a envie de respirer, c'est-à-dire qu'on a, des spasmes... du diaphragme, qui sont le signe que notre corps, s'il nous réclame de l'oxygène, en tout cas, a besoin d'expirer du dioxyde de carbone. Mais ce sont des repères, tout ça. Le corps a ces petits soubresauts qu'on connaît et qui ne sont pas inquiétants. Comme parfois ça fait 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes que j'ai quitté la surface et que j'ai quand même envie de respirer, je fais encore 2, 3 mouvements. Et parfois, j'anticipe la première inspiration en faisant une expiration pour, une fois que j'aurai percé la surface, prendre une grande goulée d'air. Et très souvent, je me dis, quel voyage! C'était En apnée, avec Florent Pascal, Aurore Asso, Guillaume Néry, Frédéric Lemaître, Jean-Michel Pradon, Alice Modolo. Merci à Grégory Piazzolla, à l'association AIDA France, au club d'apnée Massilia Sub et à tous les plongeurs et scientifiques rencontrés au cours de ce récit. Thank you. Prise de son Arthur Gerbeau. Mixage Bernard Laniel. Attaché d'émission Christine Gage et Laure-Hélène Plancher. Coordination Irène Omelianenko. Réalisation d'Ifi Mariani. Un documentaire d'Élise Andrieux pour Sur les Docks. Baleines, dauphins, plongeurs, cachalots, orques, narval ou beluga, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour nous réécouter dans les abysses, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'amitié. Mais en attendant, restez à l'écoute.